go. Il est trop tard sur ma montre. Je veux venir à peine avoir les essoufflants. Et c'est pourrir dans la tombe. Les galérés doivent reconnaître mes mesures, mes solos. C'est pas des choses qu'on oublie. Mais ça fait mal de retour et d'oubli. Tu vas bagayer, bagayer, bagayer. Jusqu'à réaliser tu m'as fait pour ton cœur. T'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus de mots. J'aime changer d'avis quand tu me tournes le dos. Je préfère faire une fois plutôt qu'il y ait un autre. Et même quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus de mots. J'aime changer d'avis quand je tourne le dos. Je préfère faire une fois plutôt qu'il y ait un autre. Les gars, rapprochez-vous, j'ai un truc à vous dire. T'as beau fixer les raids, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire appliquer, ouais. J'ai voulu laisser faire ma demoiselle à paniquer. Dans tous les cas ça finit, dans tous les cas ça finit, mais... dans tous les cas ça finit, dans tous les cas ça finit, mais... Mesdames et messieurs, revenons à l'espoir pour... J'avais mis le doigt sur la jalousie. Let's go. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdits des approcher. Et avec le temps, tu en péris. Et mieux que ça va l'hôtel, il m'en veut pas de me méfier. Un premier peu d'amitié. Et si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star, un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder. Oh. J'espère que vous savez nager. C'est elle qu'il me faut, je dois la présenter à Yéna. M'aimeras-tu quand je reproche comme à l'ancienne? Sois ma Elvira, sois ma Garichette en haut. C'est plein de choses qu'on ne dira pas par peur de faire foirer les projets. Hey, c'est idée ou bien rien, ce sera la fin. Y'a trop de jaloux, trop de craintes dans les vengeurs. Idée ou bien rien, ce sera la fin. Oh oh, y'a trop de jaloux, trop de craintes dans les vengeurs. Oh oh. Merci. Merci à tous. À vous, Dadju est dans la place. Venez me rejoindre, cher Dadju.